À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les médias de divers pays ont loué la qualité de grand homme du général Kim Jong-il, qui a accompli des exploits immortels devant l'époque et l'histoire. L'agence de presse cambodgienne AKP a admiré la noble conception du peuple et de la vie du général Kim Jong-il, qui s'est mêlé toujours parmi le peuple en passant toute sa vie pure et consacrant tout pour l'avenir de la patrie puissante et prospère. La radio nationale, les radios Apsara et FM 90,5 du Cambodge ont présenté les exploits idéologiques et théoriques et la direction de son goût du général. La radio guinéenne Renaissance a présenté en détail le Kim Jong-ilien, fleur d'honneur. La télévision du Congo démocratique et la DRTV du Congo ont projeté le documentaire coréen « La maison natale à l'ancien consacré du Mont Bektou » et « Trésor éternel à l'éloge de grand homme » aux heures les plus élevées dans l'auto-audiovisuel.